déjà mort, déjà mort. Mr. KRR, Red Hat et quel Predator. Ouais ouais, déjà mort, déjà mort. Mr. KRR, Red Hat et quel Predator. Ouais ouais, le gros son qui fait mal au cerveau, au tympan. Faites pas des gueules d'enterrement. Le gros son qui fait mal au cerveau, au tympan. Faites pas des gueules d'enterrement. J'aime les belles histoires, surtout celles où le héros meurt à la fin d'une cirrhose du foie. Les sinus bouffés par la coque, certaines mes ex-potes exportent leur dope sous vodka et shaka, même shaka. J'ai eu droit à un bref résumé de vos exploits. Des perquis chez vos tepus, des saisies d'extra. Sans déconner, vous êtes incroyable, comme un arabe qui vote le Pen ou le Pen qui les graisse à tuer un arabe. Salam à ceux qui nous comprennent, à ceux qui nous ressemblent, à ce que vos lois condamnent, que les juges aillent se pendre. À vrai dire, j'ai vu pas mal de merde. Pas mal de mecs juraient leur mère qu'ils lâcheraient jamais l'affaire. Ils auraient mieux fait de se taire au lieu de jeter ses parents en l'air. L'air est pourri dans le secteur, je scrute le terrain, c'est plein de bâtards et de jeunes branleurs. J'ai toujours le texte qui fâche, jamais d'accord avec les feux, rarement d'accord avec les autres. Rien à branler de vos reproches, j'ai calibré les cartouches. C'est brutal, comme nos vies sur l'asphalte, comme les effets de la cam, comme les effets de la cam. Brutal, comme une lame dans le ventre ou un verdict à la barre. Un verdict à la barre. Brutal, comme un accident de la route ou une balle dans la jambe. Ou une balle dans la jambe. Brutal, comme tous ces trucs qu'on raconte, toutes ces putains d'histoires. Toutes ces putains d'histoires. Ok, le crew, c'est qui? Ma petite chatte, c'est déjà mort. Les deux vikings, c'est qui? C'est encore KR et Predator. Brutal comme la naissance, ou peut-être comme la mort. Comme la façon de penser de George Bush, ou peut-être comme la nôtre. Nous on baise monsieur l'inspecteur, sa femme, sa fille, sa cousine. On se marre devant les mecs qui jouent les guerriers comme Sarkozy. Brutal, mon fils aura du droit qu'en guise de berceuse. Je viens percer, donc appelle-moi KR la perceuse. Un petit plaque et d'équerre, toujours black et fier. Malgré les fachos et les kippies qui arrêtent pas de plaquer mes frères. J'ai testé la zik, les études, le turbin et même le terre-terre. C'est le rap que j'ai choisi pour m'enrichir et vous faire taire. Et ça sera brutal, comme 30 dollars autour d'une matonne. Comme pour mes fautes, la punition du bon Dieu qui m'attend. Brutal comme Léonidas et ses 300 combattants. Comme l'arrivée de la vieillesse, donc négro on combat le temps. C'est brutal, comme nos vies sur l'asphalte, comme les effets de la cam, comme les effets de la cam. Brutal, comme une lame dans le ventre ou un verdict à la barre. Un verdict à la barre. Brutal, comme un accident de la route ou une balle dans la jambe. Ou une balle dans la jambe. Brutal, comme tous ces trucs qu'on raconte, toutes ces putains d'histoires. Toutes ces putains d'histoires. C'est brutal, comme nos vies sur l'asphalte, comme les effets de la cam, comme les effets de la cam. Brutal, comme une lame dans le ventre ou un verdict à la barre. Un verdict à la barre. Brutal, comme un accident de la route ou une balle dans la jambe. Ou une balle dans la jambe. Brutal, comme tous ces trucs qu'on raconte, toutes ces putains d'histoires. Toutes ces putains d'histoires.